Hôtel de Alcool de Guillaume Apollinaire. Enregistré pour LibriVox.org. Hôtel. La chambre est veuve, chacun pour soi. Présence neuve. On paie au moins. Le patron doute, paiera-t-on? Je tourne en route comme un toton. Le bruit des fiacres, mon voisin laid, qui fume un âcre tabac anglais. Oh, la valière qui boite et rit de mes prières, table de nuit. Et tous ensemble dans cet hôtel, savons la langue comme à Babel. Fermons nos portes à double tour. Chacun apporte son seul amour. Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Feitag, Los Angeles. Cet enregistrement fait partie du domaine public.